Seul au fond d'un placard me jeter du haut d'une falaise. Oh putain, toi t'es un balèze. Mais tout ce que je demande en retour, c'est qu'on me dérange pas. Nan nan nan nan nan. Qu'on me dérange pas. Nan nan nan nan. Qu'on me dérange pas. Nan nan nan nan nan nan nan. Qu'on me dérange pas. Nan nan nan nan nan. Ou penser l'impensable, jeter mon argent par les fenêtres. Ouais, mais enfin ça c'est un peu bête. Mais tout ce que je demande en retour, c'est qu'on me dérange pas. Non, non, non, non, non, non. Qu'on me dérange pas. Non, non, non, non. Qu'on me dérange pas. Non, non, non, non, non, non, non. Qu'on me dérange pas. Non, non, non, non, non. Qu'on me dérange pas. Non, non, non, non, non. Qu'on me dérange pas. Non, non, non, non, non. Qu'on me dérange pas. Qu'on dérange pas, non, mais oh, oh, oh. Qu'on dérange pas, qu'on dé, qu'on me dérange pas, qu'on dé, qu'on me dérange pas, qu'on dé, qu'on me dérange pas, qu'on dé, qu'on me dérange pas, qu'on dé, qu'on me dérange pas, qu'on dérange pas, qu'on dérange pas, qu'on dérange pas. Soy loco, lo colosai, soy loco, lo colosai, soy loco, lo colosai, soy loco, lo colosai, soy loco, lo colosai, soy loco, lo colosai, soy loco, lo colosai.